Radio Dio. Salut à tous, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo en ouverture. C'était bien entendu Sabbath avec ce Snowblind, extrait de l'album Volume 4 pour un Ozzy Osbourne qui a annoncé vouloir faire deux concerts d'adieu, de fin de carrière dans sa ville natale de Birmingham. Quand ça ? On ne sait pas vraiment, bien sûr, les tournées d'adieu, il l'avait fait, on peut quand même le rappeler, en 1992 avec le No More Tours, et il est encore là, même si bien entendu il est quand même tristement affaibli ces dernières années. Vous écoutez bien Overdrive, Radio Duo, il y aura de l'excellente musique qui pulse, comme dirait Gérard ce soir, avec Saxon qui nous sort son dernier album, Le père Beef Beefford est plus en forme que jamais, 73 ans au compteur, 24 albums studio complets, plus d'une dizaine d'albums live officiels, bref une carrière longue comme le bras, et un groupe plus en forme que jamais. Donc sur ce nouvel album de Saxon, on retrouve le guitariste de Diamond Head, Brian Tatler, qui vient suppléé à Paul Quinn qui ne fait plus les tournées et qui a quand même participé à cet album, mais on retrouve quand même là aussi de Brian Tatler. Donc trois guitaristes en tout sur l'album ont composé et apporté leurs morceaux, et ce morceau est dédié aux radios pirates des années 60 anglaises qui s'appelle Pirates of the Airwaves. On pense notamment à Radio Caroline qui diffusait depuis un bateau. À noter que tout simplement Radio Duo faisait partie de ces radios pirates dans la fin des années 70, tout début des années 80. Pirates of the Airwaves par Saxon. Just a drinking too much, and thinking and drinking for me is a dangerous combination. And I'm lonely as hell with a story to tell. I'm talking to myself and that's a dangerous conversation. Baby, you could save me tonight. You could make everything alright. You're looking better by the minute. I'm trying to keep from falling in it, but you may be just a little too much temptation. Oh, if we're gonna turn back, better turn back now. I say no, but I don't know how. It's a dangerous combination. It's a dangerous combination. Ooh, yeah. I've been trying so hard, feel like crying so hard. Baby, I made that trying to find a taste of sweet salvation. So clear through these glasses of beer, and in your eyes I've stumbled upon a double shot of inspiration. Oh, like in a hard place I'm in between. Come on baby and set me free. Don't look at better by the minute. I'm trying to keep from falling in it, but you just a little too much temptation. If we're gonna turn back, better turn back now. I say no, but I don't know how. Girl, I really should be leaving, but that's another conversation. Whoa, whoa. Baby, you and me tonight, that's a dangerous combination. D'entendre Jim Patrick and a World Stage, sorti sur le label Frontiers Records, cet album Roots and Shoots Volume 1. Ce Jim Patrick qu'on a connu dans d'innombrables projets, notamment sur Survivor et son Eyes of a Tiger. On passe maintenant à quelque chose de beaucoup plus petit avec le groupe Heavy Crown, mais ça reste du lourd néanmoins, avec ce EP 6 titres qui s'appelle Stranger Things Can Happen, qui vient de voir le jour sur le label MNO Music. On y retrouve ici du rock alternatif, ils nous viennent de Valence, et on en voit tout de suite le morceau de titre par Heavy Crown, Stranger Things Can Happen. Vous écoutez Overdrive Radio Duo. Growing up and getting the game is one thing, but I never missed a chance to taste the morphine. Not a full stopper, more of a showstopper. I guess the little bit of chemistry's the fault of the century. Even the most criminal of all, fuck it, I reach the top of myself, I'll throw up in the bucket. And even if I live another decade, I'd be proud to know that I belong to the one I betrayed. Is this a dream, or is this the real world, baby? I can't wait to see where your fucked up life's gonna drive me. I feel sorry to be safe, and there's no smile on my face. Show us all what you can do. We'll be proud to be like you. We'll be proud to be like you. We'll be proud to be like you. Think about every powder and what's wrong about it. And all of a sudden the power gets the worst of habits. Yes, I get the feeling that my head is damaged. I've been meaning to do it so it could change. I bet it changed. We're on the same page, same friends, got the same face, insane brain. It says fame, I'm glad success came. And even if I live another decade, I'd be proud to know that I would die for the one I portrayed. Is this a dream, or is this the real world? I can't wait to see where your fucked up life's gonna drive me. I feel sorry to be safe, and there's no smile on my face. Show us all what you can do. We'll be proud to be. Continue tout de suite avec l'album solo de Mick Mars de Motley Crue. Ce sera Loyal to the Lie. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. It's Voilà, Mick Mars, Loyal to the Lie, loyal au mensonge. Donc on sent quand même, on va dire, le sentiment un petit peu de vengeance de Mick Mars ici, avec de revanche même, on pourrait dire, avec cet album solo The Other Side of Mars. Difficile lorsqu'on parle en ce moment, comme les journalistes qui interviewent Mick Mars, qui n'ont pas vraiment le droit de parler de son ancien groupe, un groupe avec lequel il est resté tout de même plus de 40 ans, et malheureusement, ça s'est terminé en eau de boudin. Voilà, Ray Alder, avec son album solo. Donc, on l'a vu dans, bien entendu, Fate's Warning depuis maintenant de nombreuses années. Également au chant avec Redemption pour de superbes albums de metal progressif. Et là, un album solo. Il s'est entouré de différents musiciens, dont un des guitaristes live de Fate's Warning. Ça s'appelle What the Water Wants. Et bon, on est quand même assez proche du metal progressif de son groupe fétiche. Ce sera le morceau Crown of Thorns, tout de suite, sur laquelle sa voix fait toujours absolument des merveilles. The slow decay begins. Something always happens inside me. A tell She's got me on my knees. Excellente révélation dans le monde du heavy metal, c'était Wings of Steel, Wings of Steel, extrait de notre premier album Gates of Twilight pour un groupe sorti en 2023 qui est sorti un petit peu de nulle part mais qui a fait un peu une sorte de révélation dans cette scène de la nouvelle vague du heavy metal traditionnel américain. On pense bien entendu à un certain Geoff Tate pour les influences vocales et également j'ai beaucoup pensé à l'écoute à Midnight de Crimson Glory. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet excellent groupe de heavy metal progressif des années 80, Crimson Glory, jetez-vous sur un album comme Transcendence. Si vous adorez le heavy mélodique et proggy, c'était absolument ce chanteur Midnight, un chanteur extraordinaire, extraordinaire, malheureusement disparu. Maintenant, on retrouve vraiment cette patte ici. C'est très bon, ce Wings of Steel, c'était le morceau Liar in Love, extrait de Gates of Twilight. On espère que, à la fois ce chanteur, donc on a la rencontre d'un chanteur suédois et d'un guitariste américain. Ils se sont rencontrés du côté de Los Angeles, ville dans laquelle ils étudiaient la musique. Et on espère entendre parler d'eux très vite. Voilà, nouveau projet, cette fois produit par Matt Ify de Trivium. Ce sera Ryujin, un groupe qui mêle les influences de la musique traditionnelle japonaise avec un côté heavy speed un petit peu brutal parfois. Matt Ify, bien entendu, a des influences japonaises et c'est super rafraîchissant à écouter tout de suite. Ryujin, très bien produit, Saigo no Noshi, en espérant que je n'ai pas trop écorché la prononciation. Dans Overdrive, il est 22h passé de 10 minutes. Even in the falling rain, I swear I see your face, it's looking back at me. Even in my deepest pain, I'd still go back just to be beside you. Even in the falling rain, it starts burning the skin right off of me. Even in my deepest pain. inside you. Even in the falling rain, it starts burning the skin right off of me. Even in my deepest pain, psycho no hoshini. Even in the falling rain, I swear I see your face, it's looking back at me. Even in my deepest pain, une fois beaucoup, on va dire, de un côté très personnel dans les groupes japonais qui ont on va dire une touche particulière et toujours très mélodique. Manticore tout de suite sur Mighty Music avec Necropolitans, du metal progressif assez heavy ici pour s'envoyer sur Overdrive Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre le groupe Manticora avec cet album Mycelium sorti sur Mighty Music. Il est 22h passé de quasiment 22 minutes et vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Il est temps de passer à Idolatry par le groupe Cypre sorti sur la Clonosphère. On y retrouve ici du death metal qui se prône d'influence assez classique, même si on y retrouve quand même un détour assez progressif et parfois un peu plus moderne. Into the Grave tout de suite par le groupe Cypre. Fear. Yes, vous venez d'entendre Whitechapel avec Live in the Valley qui voit le jour aujourd'hui même du côté de Metal Blade Records, encore une fois du côté du metalcore. On va ralentir un petit peu et faire quelque chose de peut-être un peu moins produit avec Temple of Void qui nous sort cet album Best Of sur le très très bon label Hammer Heart Records. On est là plus long, plus lourd, mais tout aussi, on va dire, puissant. Temple of Void sorti sur cet album de Temple of Void avec le morceau qu'on a collé tout de suite, Harvest of Flesh. Break the ice. Vous venez d'entendre Faux Cosm sur Overdrive Radio Duo pour ce petit moment de toute douceur, on pourrait dire. Avant de continuer avec un groupe français et terminer pas quasiment pour ce soir avec Exocrine, Exocrine qui nous sort cet album Legend sur Season of Mist. On est dans du pur tech death, death metal très technique, très rapide, assez progressif également, de superbes parties d'orchestration de guitare. Vraiment un groupe à suivre. Exocrine tout de suite, si c'est aussi bon sur scène que sur album. Exocrine, ce sera le morceau qu'on envoie qui s'appelle Life et que l'on envoie tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Of the world of love. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Duo pour 90 minutes de musique qui pulse. On se quitte au son de ce Laguna Sunrise, extrait de ce volume 4 de Black Sabbath, en rappelant bien entendu le www.facebook.com/overdrive-radio-duo, le www.radio-duo.org et la plateforme Mixcloud pour retrouver tous les podcasts des émissions et ainsi les références des morceaux qui auraient pu vous plaire. Merci, ciao, bye bye.